nuit, tous les chats sont gris. Mais le jour, les chats noirs ne doivent pas être pris pour des souris. La, la, la, la, la, la, la, la. Noir, c'est noir, blanc, c'est blanc, désespoir, espoir. I have a dream, a dit Martin Luther King. Tu es une sorte de ma peau est belle, elle est noire comme la nuit. Et comme disait Nelson Mandela, elle est plus belle que toutes les villas du Venezuela. Il avait raison, Martin Luther King. Il avait raison, Luther. Yeah. Le Luther Martin. Tout concert avec Malcolm X. Combattre devra être une idée fixe. C'est noir, blanc, c'est blanc, désespoir, espoir. I have a dream, moi, Martin Luther King. Tous les humains sont des prédicteurs. Le bidistone est pour ce papa. Il avait raison, Luther. Je dirais toujours en dualité. Le challenge est sa perdinité. Nos valeurs, notre respect, notre liberté. Le concert avec Malcolm X. Notre combat doit être une idée fixe. Dieu n'a créé que les hommes, les frères de terre. Être noir est un atout. On ne l'a pas choisi, on n'est pas des fous. Yeah. L'homme blanc n'est pas si blanc. Être blanc n'est pas un chèque en blanc. Noir ou blanc, ça sent le bon goût du bon Dieu. Sans aucun doute, Dieu a fait le mieux. Noir, c'est blanc, désespoir, espoir. I have a dream, Martin Luther King. Tous les humains sont des frères de terre. Les frères de terre, les hommes sont. Au diable les couleurs, vivent les valeurs. Il n'avait pas tort, Martin Luther King, il en est mort. Mais seulement les lames divines. Être noir est une chance. Dieu en a eu marre de la peinture blanche. Être noir n'est pas contraire de l'excellence. Yeah. L'homme blanc en revanche, il lui arrive de broyer du noir. Et comme noir de mon cri d'espoir. Noir c'est blanc c'est noir, oui c'est non, non c'est oui. I have a dream. Noir c'est non. La nuit tous les chats sont gris. Et à midi le chat noir ne doit pas être pris pour une souris. Tous les hommes sont des frères de terre. La nuit tous les chats sont gris. Il n'y a guère que des enfants du bon Dieu. Il n'y a guère que des enfants du bon Dieu. La nuit, la nuit. La nuit tous les chats sont gris. La nuit tous les chats sont gris. Tous les hommes sont des frères de terre. Mes yeux ont rougi, mais je ne me souviens pas quel alcool j'ai bu. Je ne me souviens pas quel joint j'ai pris. Ma peau est noire, mais pourtant je suis pas sale. Est-ce que c'est parce que j'ai bu trop de café? Et pourtant l'homme blanc aussi a bu du café. Il n'est pas noir lui. Toujours soyez fiers de votre peau noire. Moutou nanga moutou moïno. Moutou nanga le kimonaï. Moutou nanga le kimonili. Moutou nanga mana Nelson Mandela. Moutou nanga le kimonaï. Moutou nanga le kimonili. Moulili, moulili, moulili, moulili. Ouvrez-moi.